laisse une étoile accrochée. Bienvenue à l'émission Bouquins et Confidences avec Julie Collin pour la prochaine heure. Bouquins et Confidences, c'est très simple. Pendant une heure, on parle des coulisses du monde du livre. Et cette semaine, pour m'accompagner, j'ai Marie-Pierre Lahens. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Julie. Donc, tu es agente littéraire. Mm-hmm. Tu as fondé ton agence en 2013, tu me disais. Oui, c'est ça. L'agence littéraire Lahens. Les agences littéraires, c'est pas quelque chose qu'on est habitué nécessairement de voir tant que ça. En tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup des agences littéraires, puis pourtant, je suis quand même un peu beaucoup dans le milieu. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va discuter avec toi des services que tu offres en général. C'est beaucoup de choses. Moi, je lisais sur ton site web la liste des services que tu offres au niveau de la représentation d'auteurs, la lecture, direction littéraire, négociation de contrat, des ateliers d'écriture. C'est vraiment vaste. Tu offres même des services au niveau des écrivains fantômes. C'est que ça, on va en discuter un peu tantôt rapidement. Mm-hmm. Fait qu'on a plein de choses à discuter ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, ça va passer super vite. Fait que peux-tu nous raconter un peu comment t'en es venue à fonder ton agence? Oh, ça va être une longue histoire. Oh, mais essaie de nous faire résumer. Ouais, c'est ça. Essaie de nous faire ça quand même pour qu'on ait le temps de parler d'autres choses, s'il te plaît. D'accord. Bon, alors, j'ai une formation déjà en commerce, plutôt marketing publicité, qui est l'équivalent d'HEC ici. C'est une école supérieure de commerce que j'ai faite en France. Et puis, après mon cursus universitaire, c'est plutôt la philosophie jusqu'au doctorat. En fait, j'ai tout le temps été dans la littérature. J'avais la chance d'avoir les livres même de mes arrière-grands-parents. Wow. À la maison, ceux de mes parents. À l'époque, quand ils avaient de bonnes notes à l'école, on leur offrait des prix, et ces prix-là, c'était des livres. Donc moi, j'avais tout ça. Et donc la lecture faisait partie de mon univers, et la littérature tout de suite. Mon premier coup de cœur littéraire, ça a été un extrait des souvenirs d'enfance de Mistral. C'était juste à la fin de ma première année d'école, où on apprenait à lire justement, puis l'institutrice nous avait donné des vieux livres de la bibliothèque, et dans ce livre-là, il y avait un texte, et pour moi, ça a été un choc. Et à partir de là, j'ai eu la piqûre, je n'ai jamais pu m'arrêter. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur des manuscrits, c'était d'abord des essais philosophiques. J'étais en maîtrise de philo, et ma directrice de mémoire me demandait de relire sa thèse de doctorat, parce qu'elle trouvait que du côté du style, j'apportais toujours quelque chose. Okay, donc en fait, j'ai commencé naturel. Comme ça. Ok, t'avais un talent naturel à l'université déjà. Ouais, c'est ça. Mais c'était simplement, tu sais, par la lecture des classiques notamment. Et j'enseignais la philosophie à l'université, plutôt la méthodologie philosophique. Et je faisais travailler les étudiants sur des textes littéraires et non pas sur des textes philosophiques. Et notamment ceux de Giono, dans lesquels il y a des concepts platoniciens. Donc, c'est ça. Puis, ici, au Québec, la dernière année de mon doctorat, j'ai tout envoyé promener. Et je suis allée travailler comme libraire. T'étais chez Pantoute, je crois. D'abord, j'ai commencé par Archambault. OK. Et ensuite, ça a été chez Pantoute. Et voilà. Et donc chez Pantoute, j'étais responsable des achats, et puis gérante de la succursale de la rue Saint-Joseph. Okay. Voilà. Donc là, j'ai eu plusieurs possibilités. Puis j'ai été lectrice dans un comité de lecture d'une maison d'édition. Et de temps en temps, des auteurs que je connaissais, parce qu'ils fréquentaient la librairie, me portaient des manuscrits aussi à lire. Et je me suis rendu compte petit à petit des besoins qu'avaient les auteurs. Et ça commençait à me titiller. N'importe où, tu voyais que tu pouvais répondre à un besoin. T'as vu le besoin, comme ouais, ça arrive souvent dans le fond, les entrepreneurs. On détecte un besoin. Des fois, c'est un besoin qu'on a nous-mêmes. Des fois, c'est un besoin qu'on constate chez les autres. Ouais. Et tu t'es dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à faire. Et ça me tente. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai fait mon plan d'affaires. J'ai surtout défini aussi les tâches que je voulais faire. Comment est-ce que je concevais le métier d'agent littéraire? Et pour moi, ça englobe beaucoup de choses. Parce que finalement, j'accompagne les auteurs du manuscrit jusqu'à la vente de droits. Et puis, ça passe par aussi le soutien moral dans les moments de doute. C'est là aussi la négociation de contrat, c'est le soutien promotionnel, etc. Donc, un appui aussi pour les dossiers de bourse, d'écriture. Donc ça fait beaucoup et c'est pour ça aussi que je choisis beaucoup mes auteurs. OK, donc en fond, tu fais vraiment une sélection sur les auteurs qui te contactent. Oui. Parce que j'imagine que tu dois recevoir beaucoup d'appels ou de courriels de gens qui veulent que tu lises leurs manuscrits, que tu les aides et tout. Oui. Mais t'es humaine, t'es une personne et c'est tu peux pas tout faire. Exactement. Donc, en fait, je reçois à peu près une dizaine de manuscrits par semaine. Wow. Ce qui est beaucoup. Il y a des semaines quand même où il y en a un peu moins. et puis, donc, je fais un tri évidemment parmi dans les premières pages. Quand tu vois que ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Quand il y a quelque chose, mais que je ne suis pas encore certaine, bon, ben, je continue. Je continue, et puis, si je me suis rendue jusqu'à la fin, il y a déjà quelque chose éventuellement à faire. Ça, c'est certain. Et puis, oui, là, je suis toute seule, mais au mois de septembre, on va être deux. Oh! Je l'ignorais. Surprise! Ben, oui, tu l'apprends aux auditeurs, mais tu me l'apprends à moi aussi. Oui. On va être deux parce que Mathieu Villeneuve va me rejoindre pour la direction littéraire. Ah! Donc, Mathieu Villeneuve qui a écrit Borealum Tremens. Oui, tout à fait. Okay. Qui a aussi un contrat de directeur littéraire chez Triptych actuellement et donc qui va être en contrat aussi avec moi. Ah, super, félicitations. Et dans le fond, toi, t'interviens où dans le processus au départ avec un auteur? T'es vraiment là dès le départ, dans le sens que l'auteur a une idée d'un manuscrit. Justement, il t'envoie un manuscrit. Est-ce que c'est un premier jet? Est-ce que c'est un manuscrit vraiment plus achevé? C'est quoi, ça dans dépend. Le fond, les bonnes étapes à faire, en fond, pour travailler avec toi? Ça dépend. En fait, je te dirais, certains m'envoient juste leur premier jet parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de réécriture. OK. Il y en a beaucoup. Ouais, ça c'est quelque chose, c'est un mythe souvent que les gens s'imaginent que un auteur écrit bien du premier coup, ouais. Que c'est magique, t'es comme possédé par l'esprit de l'écriture et tu écris et tout va bien et après ça c'est prêt à publier parce que toi tu constates que t'as terminé, mais tout à fait. Il y a vraiment un gros travail après. Hein. Tout à fait. Puis en fait, je te dirais la première chose que je fais en règle générale, c'est contacter l'auteur avant même de lire ce qu'il m'a envoyé pour savoir pourquoi il a écrit. Tu comprends? Parce que je ne veux pas dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons d'écrire, mais il y a peut-être des bonnes et des mauvaises raisons d'être publié, de vouloir être publié plutôt. C'est-à-dire que il y a des personnes qui pensent que c'est un moyen aussi de perdurer, ce qui peut être vrai, qui pensent qu'elles vont atteindre la célébrité, voire la richesse. Ah ben oui, évidemment, surtout au Québec, là, c'est connu. Ouais. Évidemment, on sent le sarcasme ici. Voilà, exactement. Bon, ça m'est arrivé de répondre à un appel téléphonique et puis le monsieur, au demeurant très sympathique, me demandait si je pouvais lui obtenir un avaloir de 250 000 $. Et j'avoue que j'étais un peu sidérée, mais bon, je l'ai laissé parler. Qu'est-ce que c'est un avaloir? Un avaloir, c'est une avance sur les droits d'auteur. OK. Donc, c'est un montant qu'on donne que la maison d'édition donne à l'auteur avant qu'il soit publié. Oui, c'est ça. En fait, en règle générale, c'est au moment de l'impression. Ça peut être aussi divisé en deux, au moment de la signature du contrat et puis au moment de l'impression. Mais 250 000 $? 250 000 $, mais en fait, c'était parce qu'il voulait acheter une maison et puis voilà. Et il n'avait rien écrit encore. Là, il faut voir mon visage traumatisé. Et je la connais, cette histoire-là, pourtant. Ouais. Puis ça m'étonne toujours que quelqu'un puisse penser ça. C'est sûr que quand on le sait pas, on le sait pas. C'est ça. C'est parce qu'en fait... On est d'accord là-dessus, ouais. Mais on se souvient qu'un auteur touche environ 10 % du prix de vente. Ouais, ouais. Donc, ça fait pas mal de livres à vendre, là, pour avoir 250 000. Oui, mais en fait, c'est plus parce que lorsqu'ils voient des auteurs à la télévision, les entendent à la radio, voient des publicités, ils pensent que ces personnes-là sont célèbres et que célèbre veut dire riche. Donc, ça, c'est une très mauvaise raison de vouloir écrire. Okay, donc, tu fais une entrevue un peu avec les auteurs pour voir... C'est quoi leur motivation? Pour voir si tu as envie de travailler avec eux, en fait, puis s'il y a un potentiel pour travailler avec eux. Oui, exactement. En fait, leur motivation, qu'est-ce qui les a amenés à écrire cette histoire-là? Je vérifie aussi, dans la manière qu'ils ont de la présenter, que c'est bien eux qui l'ont écrite. Non. Je préfère toujours vérifier d'où ça vient, parce que des fois, on veut toujours éviter les cas de plagiat avant même de passer du temps dessus. Là. Aïe, aïe. Donc, ça arrive des fois qu'il va y avoir un texte que la personne a soumis, mais ce n'est pas son texte. Non, c'est toujours son texte, mais ça peut être un peu trop fortement inspiré de quelque chose. Voir un film ou une série télévisée que les gens ont vu. Mais bon, on évite. Ça, c'est le genre de projets qui ne peuvent absolument pas être retenus. OK, parfait. Donc, là, tu commences par ça. Tu reçois un manuscrit, tu appelles la personne, tu fais une entrevue avec elle, ça se passe bien, la personne a des motivations, puis tout ça. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me mets à la lecture du manuscrit. OK. Donc je vois où ça me permet de voir aussi si son intention transparaît dans ce qu'elle a écrit, parce que des fois on a l'impression qu'on écrit quelque chose, que c'est ce qu'on voulait faire, c'est ça, et puis finalement du roman se dégage autre chose. Donc, okay. Ça aussi, c'est un autre sujet de conversation avec l'auteur, éventuellement. Okay. Et évidemment, donc, je vois les qualités. Est-ce qu'il y a un potentiel ou pas? Est-ce que ça peut être publiable en l'état ou pas? Est-ce qu'il y a un marché aussi? Parce que c'est pas parce que c'est forcément bien écrit qu'il y a un marché pour ce genre de roman-là aussi. Par marché, tu entends... qu'il y a une maison d'édition qui pourrait être intéressée à le publier, finalement. Oui, c'est ça. Okay. Qui prendra le risque aussi de le publier, parce qu'une publication est toujours une gestion de risque, finalement. Ah oui, forcément. Ouais. Forcément, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et des processus comme ça, où est-ce qu'un éditeur décide qu'un livre va faire partie de son catalogue pour l'année prochaine, il décide ça en ce moment, là. Mm-hmm. Mais on ne sait pas qu'est-ce que l'autre éditeur à côté peut être en train de publier aussi, puis à quel point qu'un autre livre peut nuire à notre livre ou peu importe. Oui, puis c'est ça, une éditrice me disait, c'est fou, du moment qu'on signe un contrat pour un roman, en fait, arrivent plusieurs manuscrits sur le même thème. C'est comme une espèce de loi par rapport à ça. C'est comme les idées qui sont dans l'air, tu sais. C'est drôle, ça. Donc, après ça, un coup que tu l'as lu, tu fais certains commentaires, un peu de la direction littéraire. Oui. En fait, tout d'abord, je discute avec l'auteur de savoir s'il est prêt à faire une réécriture ou pas du manuscrit. Il y a des personnes qui ne veulent pas réécrire non plus, qui, dans ce cas-là, disent « Ben non, je vais du côté de l'édition à compte d'auteur, par exemple. » Ça peut arriver aussi, parce que c'est un long travail, quand même, la réécriture. C'est beaucoup plus que l'écriture du premier jet. Oui, moi, c'est la raison pour laquelle je n'écris pas. Parce que je n'ai pas cette patience. C'est assez connu que je ne suis pas une personne patiente. Puis j'admire beaucoup ça, moi, chez les auteurs, justement, les réécritures. Il y en a des fois, ils vont nous en parler, qui ont réécrit plusieurs fois leur roman. Il y en a aussi même des fois qui vont nous montrer les différentes versions. Mm-hmm. C'est impressionnant quand même de voir tout le travail qui se passe par rapport à ça. Donc, si l'auteur est prêt à travailler, toi, tu travailles avec lui, tu le rencontres? Ça dépend. Ça dépend où il est. Parce que je te dirais, là, j'ai un auteur qui est en France, donc en fait, les rencontres, c'est plutôt par Skype. Une auteure québécoise qui vit en Australie, donc là aussi. Mais elle est venue une fois l'été dernier. OK. Ouais. Mais en règle générale, c'est téléphone, courriel. Ouais. Ça peut prendre à peu près combien de temps, ce travail-là? Ça dépend. Okay. Ça dépend du travail à faire, ça dépend de la taille du roman, ça dépend du rythme de réécriture de l'auteur. Je te dirais que je suis beaucoup plus pour le fait qu'un auteur prenne le temps qu'il faut pour écrire plutôt qu'il fasse justement 10 à 12 versions parce que il va trop vite, par exemple, tu vois. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est pas un gage de qualité si on fait plusieurs versions, dans le sens qu'on pourrait très bien travailler très fort sur une deuxième version et ça pourrait être suffisant à la limite de son travail très fort dessus. Donc après ça, j'imagine qu'un coup que ce travail-là est accompli, vous regardez ensemble pour quelle maison d'édition vous voulez l'envoyer. Oui. Là, en fait, je lui propose déjà une sélection de maisons d'édition que j'ai faite. En fonction justement des lignes éditoriales, mais aussi des maisons dans lesquelles je pense qu'il sera le mieux entouré ou qu'elle sera la mieux entourée. Dans ce cas-là, je prépare un petit dossier aussi parce que certaines maisons d'édition le demandent. Donc, je le fais systématiquement avec une fiche biographique de l'auteur pour faire connaissance finalement. Un résumé, alors je fais d'abord un résumé chapitre par chapitre parce que certains veulent un résumé détaillé, donc qui va vraiment donner une idée des mouvements du roman, et mais sans trop en révéler aussi, ça c'est vraiment difficile parce qu'il faut donner l'envie de lire le manuscrit, et un résumé court. Et si, par exemple, ça va être du fantastique, il se peut qu'il y ait une description des différents mondes aussi. Ou une saga familiale, une description des personnages, parce qu'il peut y avoir assez de personnages pour pouvoir justifier une description des personnages. OK. Donc, tu travailles tout sur ce concept-là, en fait, pour maximiser les chances que l'auteur soit publié. Oui, c'est ça, exactement. Parce que toi, en fait, tu travailles pour l'auteur. Je travaille pour l'auteur. Attends, je fais un parallèle avec... l'autre fois, on avait Josée Marcotte qui était ici, qui est réviseur linguistique. Elle a dit qu'elle travaille pour les maisons d'édition. Oui. Donc, elle fait la révision linguistique, mais c'est les maisons d'édition qui l'embauchent oui. pour faire ça. Toi, c'est l'auteur. Donc, oui. tu as intérêt... Dans le fond, toi, tu prends le risque avec l'auteur et tu as intérêt à ce qu'il soit publié. Exactement. Parce que sinon, tu es un petit peu moins payé. Ouais. oui. Voire beaucoup moins payé. OK. Et après ça... mettons que ça va bien, là. Puis là, je sais pas, il y a une maison d'édition qui te rappelle, puisque je m'imagine que c'est avec toi qui vont communiquer, vu que tu es agente. Une maison d'édition t'appelle et te dit hey, « on est super intéressé par tel manuscrit ». Qu'est-ce qui se passe? Ils vont m'envoyer, en règle générale, un contrat. Un contrat que je vais présenter à l'auteur. Puis, éventuellement, on va négocier certaines conditions. Dans le contrat. Par exemple? Ça peut être l'avaloir, ça peut être une clause escalatoire dans les droits d'auteur, c'est-à-dire que jusqu'à tant d'exemplaires vendus, ça va être 10%, puis au-delà de tant d'exemplaires, ça peut être 12, et puis au-delà, ça peut être 14. Ça c'est ce qu'on appelle une clause escalatoire. Pourquoi? Parce que si ce ne sont pas des micro-réimpressions, l'éditeur va dégager une marge plus grande à chaque fois. Donc, ça va être pour un partage un petit peu de cette marge-là entre l'auteur et l'éditeur. Okay. C'est juste un certain point. Après, ça peut être aussi le nombre de services de presse qui vont être donnés à l'auteur, donc ses propres exemplaires. De son livre. Ça va être aussi des conditions sur le numérique, sur les droits audiovisuels, les différentes adaptations, évidemment la durée du contrat. Ah ben oui, super important. Très, très important. Donc là, je suis en train de te le dire dans le désordre. Non, mais c'est pas grave, en fait, c'est parfait. Mais le tout, et puis de prévoir aussi la fin du contrat, les conditions de fin de contrat. Toujours prévoir, en fait, faire en sorte que tout se passe bien. C'est-à-dire que au moment où chacun signe, c'est comme un mariage. Oui, c'est ça, il faut penser au divorce quand il même. Il faut penser éventuellement au divorce. Voilà, donc en fait, on fait en sorte que tout simplement le contrat soit toujours le plus équitable possible, bien évidemment. Ce n'est pas en tirant plus la couverture véritablement d'un côté qu'on a un meilleur contrat. Il faut vraiment que ce soit équitable. OK. Et est-ce qu'on parle aussi de pilonnage? Oui, ça fait partie des conditions de fin de contrat, éventuellement, si pour cause de mévente. Puis la mévente peut être définie comme 5% du stock, par exemple, qui ont été vendus dans l'année. Mais dans ce cas-là, il peut y avoir un pilonnage partiel ou complet du stock. Dans ce cas, en fait, on fait en sorte que l'auteur ait la possibilité de racheter une partie de ce stock-là à un prix bien moindre. Et puis, lorsque tout le stock est pilonné, étant donné que le contrat, c'est un contrat pour rendre public une œuvre, dans ce cas-là, ça veut dire aussi que c'est la fin du contrat. OK. Donc, si... Je te résume, hein. c'est simplifié. Oui, oui, c'est bien parfait. Donc, l'éditeur décide qu'il pilonne, parce que la semaine passée, on en a parlé à l'émission, si ça vous tente d'en savoir plus sur le pilonnage, on en a parlé avec Antoine Tanguy la semaine dernière de chez Alto, l'éditeur va vouloir pilonner, détruire les livres, en fait, pour diminuer son stock, puis tout ça, pour sortes de raisons souvent financières, d'espace et tout ça. Donc, s'il pilonne en partie, c'est une chose, mais s'il pilonne totalement, ça met fin au contrat. Oui. OK. Oui. Je te dirais, en fait, de temps en temps, il faut spécifier, parce que ça ne l'est pas dans tous les contrats, que le fait d'avoir simplement le livre en numérique, non, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que le livre imprimé soit disponible. Oh, ah oui, c'est vrai, il y a une nuance quand même à apporter, parce que, ah oui, il n'y a plus de copier papier, mais la version numérique existe encore, donc le contrat est pas... C'est ça. Mais en règle générale, ça, c'est spécifié de toute façon. OK. Donc là, tu l'aides par rapport à ça. Ouais. Ça se passe bien, vous avez bien négocié, vous signez. Mm-hmm. Moi, je ne signe pas. Bien, OK. Il y a mon nom sur le contrat, mais je ne signe pas. Tu as fait raison, merci de me corriger. Donc, tu accompagnes pour que l'auteur signe, ou peu importe. C'est fait. Mm-hmm. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, en fait, il va y avoir le soutien promotionnel. Puis je te dirais, même des fois, il y a un soutien moral avant, parce que bon, si l'éditeur ou l'éditrice décide de faire un travail éditorial, puis il y en a, en règle générale, il y en a toujours un avec l'auteur, au bout d'un certain moment, c'est terminé, puis arrive, je te dirais, l'appréhension de la grande première, hein, de la sortie du roman. Et là, il y a quand même une certaine angoisse, savoir pour l'auteur comment son roman va être reçu, où est-ce qu'il va passer sous le radar aussi. Et donc moi je vais assurer un soutien promotionnel, toujours en accord avec les éditeurs. Les éditeurs m'envoient aussi des services de presse, et puis je leur dis à qui je les envoie, ce que j'en fais, tu sais, c'est normal. Donc voilà, pour augmenter le plus possible la visibilité, mais aussi l'étendre dans le temps. Parce que comme l'avait dit très justement Antoine, très souvent il y a des retours au bout de 3 mois. Moins dans les librairies indépendantes, parce que la plupart sont des librairies de fond. Mais ça arrive assez souvent. Donc il faut passer la barre des 3 mois. Et puis si on en parle encore 10 mois, 1 an après, puis plus, c'est encore mieux. Ça c'est sûr. Donc il faut créer des occasions de communication. Parfait. Puis j'imagine que le prix que Mathieu Villeneuve a gagné il n'y a pas tellement longtemps, le prix... Le prix de création littéraire... Oui, c'est ça, la Bibliothèque de Québec et du Salon international du livre de Québec. C'est quand même assez... Il ne te manque plus que le 2018. C'est quand même assez long. Je le lisais dans ma tête, là, tellement que c'est long quand même comme titre. Ouais. Mais ça, j'imagine que... ça aide aussi à relancer la vente d'un livre. Oui, oui, tout à fait. Et puis, sa maison d'édition, La Peuplade, a créé aussi des bandeaux pour le mettre en valeur. Puis, il a été aussi finaliste au prix Aurora Boréal. Oui, c'est 2018. Donc oui, tout ça, évidemment, les prix littéraires relancent toujours la vie d'un livre, effectivement. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu travailles seulement avec des nouveaux auteurs ou des fois tu travailles avec des auteurs qui sont vraiment accomplis, là? Tu sais, des auteurs qu'on on connaît ou des auteurs qui ne sont pas leurs premières armes d'écriture? Je travaille avec les deux. Okay. Je travaille avec les deux. Je travaille avec Julie Stanton qui écrit depuis, je ne veux pas dire de bêtises, 40 ans, je crois. Et donc, qui est une poète de Québec. Et puis en jeunesse aussi avec Patrick Loranger, qui lui aussi a déjà beaucoup de livres derrière lui, qui va en avoir d'autres bientôt. Enfin bref. Mais c'est ça. Mais j'ai laissé une priorité aux nouveaux. OK. Donc, accompagner des romanciers, des auteurs qui n'ont pas encore publié, finalement, qui débutent tout juste dans le milieu. C'est ça. J'ai signé aussi avec une autre auteure, mais pour l'instant... Oh! Et ouais, tu ne peux pas nous le dire. Non, pour l'instant, je ne peux pas te le dire. Mais ce n'est pas tout à fait le même genre de travail non plus. C'est différent. On s'adapte aussi à chaque client. Il faut s'adapter en fonction de la personnalité, des demandes aussi. Et puis, c'est très, très bien comme ça. Ça permet vraiment de placer de différentes choses, de travailler aussi sur des textes totalement différents. Ça, c'est quelque chose de toute façon qui font partie de mes critères de sélection aussi. Je ne peux pas avoir des livres qui pourraient être prêts à être présentés aux mêmes maisons d'édition. Donc... Là aussi, je suis obligée à un moment donné, tu sais, de... OK, il ne faut pas que les livres, dans le fond, des auteurs que tu accompagnes entrent en compétition. Ben, c'est ça. OK, il faut que ça soit comme même pas complémentaire, en fait. Faut que ça non, soit... il faut que ça soit totalement distinct. C'est ça, il faut que ça soit totalement distinct. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait deux auteurs que tu as proposés à la même maison d'édition. Non. OK, ça mène un défi supplémentaire, ça? Ben oui, parce que, attends, j'ai pas envie qu'on me demande, dans ce cas-là, lequel tu prioriserais. Parce que ça voudrait dire que je servirais moins bien un client qu'un autre. Wow! J'avais pas pensé à ça du tout, mais ça mène une contrainte supplémentaire, parce qu'on s'entend, oui, il y a plusieurs maisons d'édition, mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça non plus. Et si tu proposes un livre, un manuscrit à différentes maisons d'édition, ben tu te limites encore. C'est... Aïe, aïe. Okay. Oui, oui. Ben, je te dirais, là, en septembre, je devrais en avoir trois de prêts, et puis je suis bien contente d'avoir... agit comme ça, tu vois, parce que vraiment ils sont distincts et puis je ne pourrais pas les présenter aux mêmes maisons, ça c'est sûr. OK. Et combien d'heures à peu près par semaine ça représente le travail, ou par mois, peu importe, ça représente le travail que tu passes avec tes auteurs? Par semaine, je travaille entre 50 et 60 heures, des fois un petit peu plus. Okay. Mais tout n'est pas sur les manuscrits. Ça va être aussi donc de la promotion, ça va être tisser des relations avec des critiques, avec des blogueurs. Je te Allô? Vois sourire, Julie. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est hein, ça, exactement. Ça va être éventuellement aussi créer des événements aussi. C'est aussi faire des recherches pour moi, sur le plan éditorial, de temps en temps aussi, toujours me tenir au courant du plan légal, regarder tout ce qui sort, donc compulser des comment ça s'appelle, des magazines spécialisés comme Livre Hebdo. Là, ça va être plus axé sur la France, mais ça donne quand même une bonne température aussi du marché. Et puis ici, aller regarder sur Memento quels sont les titres qui vont sortir aussi, pour éviter justement qu'on me dise « Ben non, j'en ai un qui va bientôt sortir sur ce thème-là. » Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui fait l'originalité d'un roman, ça ne va pas être forcément le thème, ça va être la façon dont l'auteur l'aborde, sa perspective, le regard qu'il pose sur le monde. Parce qu'on pourrait dire d'une manière très cynique que finalement, toutes les histoires ont déjà été racontées. Mais le talent d'un auteur va vraiment s'immiscer ailleurs. Ça va être dans la langue, dans le point de vue qu'il pose, dans cette originalité, une création aussi au niveau du rythme. Ça peut être faire en sorte que le paysage devienne un personnage, une maison devient un personnage, le narrateur est différent aussi. Tout va concourir à l'originalité d'une œuvre. Si cette originalité n'est pas là, c'est pas la peine. Non, c'est sûr que ça, c'est important hein, quand même. On ne veut pas juste imprimer un livre pour en imprimer un. Exactement. On prend une petite pause. Ça fait quand même déjà quasiment une demi-heure qu'on jase, l'air de rien. Le temps passe super vite, c'est tellement intéressant. Donc, on prend une petite pause. Restez là, bougez pas, on revient dans environ une minute.